Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Ariane, la fusée Ariane, ne nous étonne plus. Avec une régularité de métronome, qu'elle porte le numéro 4 ou le numéro 5, elle plante dans le ciel, mois après mois, des satellites de plus en plus lourds, de plus en plus sophistiqués. Mais doit-on pour autant oublier le temps des échecs et des incertitudes, le temps des soupçons aussi? Si Ariane explosait en vol, n'était-ce pas parce qu'elle avait été sabotée? Et les regards se tournaient naturellement vers les Américains et les Soviétiques, à qui notre fusée européenne risquait de tailler des croupières. Ce qui est effectivement le cas aujourd'hui, puisque le lanceur européen est toujours le plus sûr et le plus demandé. Plus sérieusement, il est vrai que la fusée Ariane, depuis ses débuts chaotiques jusqu'à ses succès actuels, a attiré la curiosité de pas mal de services étrangers. Et le contre-espionnage français en particulier a monté une garde sévère autour des différents pôles où l'on concevait et construisait Ariane, ce qui a permis de déjouer plusieurs tentatives d'espionnage et de vol de technologie. Et sans doute, vous souvenez-vous d'une affaire qui a éclaté de façon très spectaculaire en 1987. La DST annonçait triomphalement qu'elle venait de découvrir dans la région rouennaise un réseau d'espions à la solde de Moscou. Les espions d'Ariane, comme on les a tout de suite appelés, s'intéressaient au secret du moteur du troisième étage de la fusée. Un moteur cryogénique, un bijou de technologie mis au point dans les laboratoires de la Société européenne de propulsion à Vernon. L'affaire a fait grand bruit. Des diplomates soviétiques, accusés d'avoir mis en place ce réseau, ont été priés de regagner leur pays. Et Moscou, irrité, a répliqué en expulsant le même nombre de diplomates français en poste en URSS. Il faut aussi ajouter que cette affaire a été rendue publique plus de temps avant une importante visite du Premier ministre Jacques Chirac à Moscou. Et un temps, on a pensé que cette visite allait être annulée. Pourtant, l'affaire va se dégonfler progressivement. Les espions, ou ceux qui étaient réputés tels, vont peu à peu recouvrer la liberté. Et on n'en parlera plus. Alors, que s'est-il passé en réalité? Que dissimulait cette affaire? Bref, les espions d'Ariane étaient-ils vraiment des espions? Ou ont-ils été victimes d'une machination? Monsieur X a son idée. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Quand une affaire d'espionnage est rendue publique, il faut toujours se demander pourquoi. Ce qui veut dire que certaines affaires ne sont jamais révélées? Bien évidemment, pour de multiples raisons, vous pouvez imaginer sans peine. Mais parfois, un service éprouve soudain le besoin de se mettre en valeur. En valeur, c'est-à-dire pour quelles raisons, plus précisément? Prenons le cas, par exemple, d'un service qui vient de subir un échec. Ouais, alors, il a envie de redorer son blason, c'est ça, hein? C'est ça, oui. Mais il peut y avoir des manœuvres plus tortueuses, des opérations politiques ou politiciennes. Enfin bref, je vous l'ai dit, quand une affaire d'espionnage est portée sur la place publique, il convient de se méfier. Et je crois vous en avoir déjà souvent donné la preuve. Oui, mais c'est vrai, enfin... Et c'est le cas, là, dans l'affaire qui nous occupe aujourd'hui? N'allons pas trop vite, si vous voulez bien. Je m'y attendais, ça. Enfin, poursuivez, je ne peux pas vous couper vos effets, n'est-ce pas? Vous en prie. D'abord, il faut que je vous dise qu'il y a dans ce dossier tous les éléments d'un beau roman d'espionnage, tout y est. C'est bien, ça, alors, expliquez-moi. On y trouve une poétesse d'origine roumaine qui aime beaucoup les hommes, une très belle et très blonde soviétique, deux polytechniciens, un diplomate qui est en réalité un officier des services de renseignement de l'armée rouge, et encore un dessinateur industriel, et un journaliste qui se demandera longtemps ce qu'il est venu faire dans cette galère. Joli bouquet, non? Ouais, mais si vous voulez, c'est pas mal en tout cas. Et ça commence comment, cette histoire, là? Oh, comme un roman policier, avec voiture à gyrophares et sirène hurlante. Un convoi qui sème la panique dans les rues paisibles de Rouen et finit sa course devant le palais de justice. Là, plusieurs personnes, hommes et femmes, sont prestement débarquées et emmenées sous protection dans les cellules du bâtiment. Pas très discret, non? Vous avez raison. Et les journalistes locaux sont immédiatement alertés. Mais quand ils demandent des tuyaux à leurs correspondants habituels, c'est le mutisme qui excite encore un peu plus leur curiosité. Et quand enfin ils obtiennent une information, on leur confie, c'est une affaire traitée par la DST. DST, une grosse affaire donc. Et ça se passe quand? En mars 1987. Et dès le lendemain, on en sait un petit peu plus. Un important réseau d'espionnage vient d'être démantelé. Un réseau qui essayait de surprendre les secrets de la fusée Ariane. Ariane, c'est alors un sujet très sensible. La fusée européenne, qui doit nous permettre d'être indépendants en matière de lancement de satellites, a en effet déjà connu beaucoup de déboires. Pas mal, hein. Et en mai 86, une Ariane s'est désintégrée peu de temps après avoir décollé de Kourou. J'ajoute que les Européens ne sont pas les seuls à avoir des ennuis. Quelques jours avant, deux fusées américaines ont connu le même sort. Et puis il y a eu le drame de la navette Challenger hein, au début de... En 86, 86 c'est ça, oui, oui, tout à fait. Oui, oui mais dans le cas d'Ariane, que s'est-il passé? C'est le moteur du troisième étage qui ne s'est pas allumé. Un moteur cryogénique qui brûle de l'oxygène et de l'hydrogène liquide. Une petite merveille, mais très difficile à mettre au point. Écoutez, je ne suis pas technicien, vous le savez, mais je peux quand même vous dire que les difficultés sont essentiellement liées aux différences de température. Parce que les deux gaz sont liquides. Oui, c'est donc ça, ils sont excessivement froids. Mais quand ils vont brûler dans la tuyère, ils vont atteindre une température de plusieurs milliers de degrés. Et tout ça, ça nécessite une technologie très pointue et des pompes particulièrement sophistiquées. Bon, je passe parce que, je vous le confesse, je n'y comprends pas grand-chose. En tout cas... C'est une technologie qui peut susciter des convoitises. Certainement. Mm. Ce moteur, même s'il a eu des ratés, est plus performant que les classiques moteurs à poudre. Et le CNES y croit beaucoup. Ouais. Et où est conçu et fabriqué ce brillant moteur hein? À Vernon, dans l'Eure. C'est la SEP qui s'en occupe, la Société Européenne de Propulsion. Plus de 1600 personnes y travaillent. Donc c'est cette société qui était visée par le réseau d'espions arrêté par la DST, c'est oui, ça? Oui, oui. Pourtant... J'imagine, hein, cette société doit faire l'objet de mesures de sécurité naturellement, très strictes. Oui, oui, bien sûr. D'autant qu'elle travaille aussi pour la défense nationale. Par conséquent, pour y entrer, il faut montrer patte blanche. Et la DST examine minutieusement le dossier de tous les candidats à l'embauche. Ouais. Mais est-ce qu'il y a déjà eu auparavant des tentatives d'espionnage? À plusieurs reprises déjà, des agents de l'Est ont été surpris alors qu'ils s'intéressaient d'un petit peu trop près à la fusée Ariane. Et à Vernon, là? À Vernon ou ailleurs. Des affaires dont on a un peu parlé. Hein, c'est juste, on a mis simplement fin aux agissements de ces espions. Mais là, au contraire, enfin, d'après vous, on va en parler beaucoup. Effectivement, oui. Mmh. Et c'est ça qui vous semble bizarre. Oui, oui, mais enfin, voyons, d'abord eu en France. Ce serait un attaché de l'air en poste à l'ambassade soviétique à Paris, Valéry Konorev. C'est donc lui, l'officier traitant, hein, comme on dit dans les services. Bien entendu, mais le chef du réseau est un ingénieur, un polytechnicien, Pierre Verdier. Et il travaille à la SEP, lui aussi? Non, non, non, il est chef de service à l'INSEE à Rouen. L'INSEE, donc, rien à voir avec la fusée aérienne? Non, rien du tout, les statistiques et les moteurs cryogéniques n'ont rien à voir ensemble. Ben... peut quand même être chef de réseau. C'est en effet possible. Ce qu'il faut noter tout de suite, c'est que ce jeune et brillant ingénieur s'est rendu très souvent dans les pays de l'Est, où il a d'ailleurs trouvé l'âme sœur, une jeune et jolie russe, Ludmilla. Et il s'est marié avec elle? Oui, ça n'a d'ailleurs pas été simple pour la faire venir en France. Et ce mariage a peut-être attiré l'attention de la DST sur lui? C'est certain, oui. Et les autres alors? Eh bien, parlons d'abord de la poétesse. Poétesse. Oui, parce qu'elle va jouer un rôle essentiel dans cette histoire. Poétesse roumaine, avez-vous dit, hein, c'est ça? D'origine roumaine, oui, mais elle s'est mariée à un Français et elle vit à Rouen. Eh, ça fait déjà deux femmes qui viennent de l'Est. Oui, Nina, c'est comme ça qu'elle aime se faire appeler, est une femme très active, très romante. Elle a créé une association culturelle dont la vocation est de promouvoir les relations entre la France et la Roumanie. Ça lui permet d'inviter beaucoup de monde et des Roumains, d'abord. Ça signifie donc qu'elle a gardé de bons rapports avec son pays d'origine. D'excellents rapports. Et elle fréquente régulièrement l'ambassade de Roumanie à Paris. Donc c'est une suspecte idéale. Vous imaginez bien qu'on l'a à l'œil. Mais jusqu'à son arrestation, on n'a jamais rien pu prouver contre elle. Parce que Nina semble en effet ne s'occuper que de relations culturelles. Mais quand vous dites qu'on l'a à l'œil, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Eh bien, de temps en temps, un inspecteur de la DST vient la voir, lui poser quelques questions anodines et peut-être même un peu plus. Un peu plus, ça sévit quoi ça? Bah, Nina aime beaucoup la compagnie des hommes. Enfin, qui irait lui reprocher? Je sais pas, son mari peut-être. Ah, ça c'est une autre question, mais je n'ai aucune information sur ce sujet. Toutefois, vous le verrez plus tard, les relations de Nina avec la DST ne seront pas sans conséquences. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Trois jours après l'inculpation des espions d'Ariane, le journal Le Monde publie un article sur la Société Européenne de Propulsion et son établissement de Vernon, je cite. C'est là qu'est regroupée la plus grande partie des activités de la firme concernant l'espace, en particulier celles qui ont trait à la conception, aux essais et à la fabrication en série des moteurs de la fusée Ariane. Ce secteur pour lequel travaille à Vernon quelques 1600 personnes est plus sensible qu'on ne pourrait le penser au premier abord, dans la mesure où les ingénieurs font appel à de nombreuses technologies de pointe. Propulsion, matériaux, électronique, procédures de calcul, analyse des phénomènes de combustion dans les tuyères des moteurs, etc. Le mode de propulsion des premiers et deuxièmes étages de la fusée Ariane présente peu d'intérêt pour des puissances étrangères car il fait appel à des composés chimiques connus de longue date et généralement maîtrisés par tous. Il n'en va pas de même, en revanche, pour celui du troisième étage. Pour ce dernier, les Européens ont en effet choisi un mode de propulsion beaucoup plus sophistiqué, mettant en jeu ce que les spécialistes appellent des propergoles cryogéniques, à savoir de l'hydrogène et de l'oxygène liquide. Les performances atteintes avec ces composés sont bien supérieures à celles des autres formes de propulsion, mais ces progrès se payent d'un surcroît de contraintes techniques. Ne manipule pas qui veut des produits dont la température passe brusquement de moins 250 degrés dans les réservoirs du troisième étage à plusieurs milliers de degrés dans la tuyère du moteur. On imagine sans peine les tortures que les tuyaux, les pompes et les joints de tels moteurs ont à subir et les trésors d'ingéniosité dont on doit faire preuve pour que de tels ensembles fonctionnent. Vous avez déjà parlé de deux personnages. L'ingénieur, qu'on présente comme le chef du réseau, et cette poétesse d'origine roumaine. Et qui sont les autres ? On donne le nom d'un autre polytechnicien, un ami du premier qui est lui aussi ingénieur à l'INSEE. Il y a surtout un certain Auric qui travaille à la SEP. Et quel emploi y exerce-t-il ? Intérimaire, il est dessinateur industriel. Et à ce poste, il a accès à des informations sensibles ? Vraisemblablement non, enfin pas à son niveau. Ah ben, enfin lui au moins il travaille là-bas. Hein, ouais, c'est le seul de la bande d'ailleurs. Donc s'il y a eu espionnage, c'est forcément lui qui a dérobé des documents. C'est évident, des documents ou des informations qu'il aurait transmis à ses complices. J'ajoute que les enquêteurs laissent filtrer des détails peu amènes sur ce dessinateur. Quoi ? Eh bien, Henri mènerait une vie dissolue. Ouais, on noircit le tableau. Quoi. À dessein, oui, pour montrer que les faiblesses de ce personnage le conduisaient tout droit à la trahison. Ouais. Mais vous avez dit que le personnel de la SEP faisait l'objet d'une enquête préalable. Oui, oui, mais Henri est un intérimaire, donc il aurait échappé au contrôle. Il l'aurait. Je vous sens sceptique. Vous avez raison. Enfin, poursuivons. Sont aussi accusés un journaliste, l'épouse soviétique de Verdier et le mari de Nina. Bah, Nina, la poétesse roumaine. Oui, son mari est un contremaître au chômage. Et lui, il a quelque chose à voir avec la fusée aérienne ? Non, rien du tout. C'est bizarre, non ? Parce que, enfin, dans cette histoire, quel est le rôle de chacun ? Bon, Henri, si j'ai bien compris, vole des documents, mais les autres ? Il traite ces informations et il les transmet ensuite à Valérie Konoreff. Oui, mais pour traiter ces informations, c'est-à-dire les décrypter, c'est ça, enfin, oui. Bah, il faut avoir des connaissances techniques. Et les deux ingénieurs, même s'ils sont polytechniciens, ne hein, sont pas des spécialistes des fusées. Non, puisque ce sont des statisticiens. Mais à la DST, on trouve la parade. En raison de ses fonctions, Verdier pouvait transmettre des informations très intéressantes à l'URSS. Quoi, des statistiques ? L'ingénieur s'occupait essentiellement de réunir des informations sur la situation économique des entreprises de la région. Et c'est cela qui lui aurait permis de récolter des données confidentielles sur ces sociétés. Mais je veux bien, mais il n'y a aucun rapport avec la fusée Ariane. Vous avez tout à fait raison. C'est de plus en plus étonnant, votre affaire-là. Autre question, enfin, comment les policiers du contre-espionnage, de la DST, là, ont-ils été amenés à s'intéresser à ce réseau ? Ben, Verdier et les autres ont été dénoncés. Mais par qui ? Nina. Nina qui était jalouse. Expliquez. La poétesse avait eu une liaison avec Verdier, mais elle n'a pas supporté que l'ingénieur la délaisse et s'amourache d'une jeune soviétique. Ouais, elle s'est donc vengée. Voilà, et elle a envoyé plusieurs lettres de dénonciation à différents services de police et de renseignement. Ouais, si c'est vrai, c'est pas très habile, parce qu'elle s'est vue, elle aussi, accusée d'espionnage. C'est juste, et elle a été emprisonnée. Se livrer à une odieuse campagne de calomnie contre l'URSS. Bon, ça, c'est relativement classique. Oui, mais enfin, la rapidité de la réaction l'est un peu moins. D'habitude, à l'Est, on aime prendre son temps. Ce qui signifie ? Attendez, parce que ce n'est qu'un début. Une quinzaine de jours après l'annonce de la découverte du réseau, Jacques Chirac prend la décision d'expulser 6 diplomates soviétiques. Dont ce... comment, Konoreff ? Oui, bien sûr. En fait, pour être tout à fait précis, il ne s'agit pas d'une expulsion. La France se contente de demander leur appel. Ouais, c'est la même chose, hein. D'accord. Dans le domaine de la diplomatie, chaque mot compte. Et une demande de rappel, c'est moins insultant qu'une expulsion, non ? Quoi qu'il en soit, à Moscou, on ne s'y trompe guère. Mais Il faut justifier cette expulsion-là, le motif. Officiellement, on reproche à ces diplomates d'avoir exercé des activités sans rapport avec leur mission et leur statut. Bref, on leur reproche d'avoir fait de l'espionnage. Bien entendu. Et comment alors réagissent les soviétiques? Eh bien, ils répliquent. Et ils expulsent à leur tour 6 diplomates français en poste à Moscou. Mais, et c'est plus important, ils laissent entendre que cette affaire va avoir des conséquences graves sur les relations bilatérales entre la France et l'URSS. Ouais, enfin, c'est une menace qui est réelle? Oui, oui. Elle arrive au plus mauvais moment. Pourquoi au plus mauvais? Parce que Jacques Chirac doit se rendre en URSS au mois de mai. C'est-à-dire un mois plus tard. Et il est clair que cette visite est désormais compromise. Or, elle est très très importante. Pourquoi? Avec l'arrivée de Gorbatchev au pouvoir, la situation internationale a radicalement changé. Donc c'est la dette, enfin l'avance de la dette. Oui, c'est ça. Et les négociations sur le désarmement vont bon train entre les deux super grands. Des négociations qui inquiètent les Européens. Pour quelle raison exactement? Parce qu'on pourrait aboutir à une dénucléarisation du vieux continent. La fin des euromissiles. C'est ça. Et la France, puissance nucléaire indépendante, veut avoir son mot à dire. D'autant que ses autres partenaires européens, l'Angleterre et l'Allemagne, font les yeux doux à Gorbatchev. Ouais. Donc, si je vous comprends bien, la France a peur d'être mise à l'écart. Exactement. C'est pour ça, entre autres, que le Premier ministre français a décidé de faire le voyage de Moscou. Alors, cette affaire d'espionnage tombe au plus mauvais moment pour lui. Hein. C'est certain. Et la réaction très vive des Soviétiques augure mal d'un succès possible de Chirac. En outre, ce qui est surprenant, c'est que Moscou donne une publicité inhabituelle à cette affaire. Dans les médias soviétiques, on ne cesse d'en parler. Et on s'apitoie en particulier sur le sort de la pauvre Ludmila. Ouais, c'est l'épouse soviétique de Verdier. Hein. Oui. Ouais. Mais attendez, vous avez dit, je reviens en arrière, mais vous avez dit publicité inhabituelle, hein, c'est ça? Oui. Et pourquoi? Depuis longtemps, la règle adoptée par les soviétiques dans ce genre d'affaires, c'était la discrétion. Surtout s'il y avait expulsion de diplomates. Enfin bref, les soviétiques ne se vantaient pas. Quoi. Parce qu'ils savaient très bien qu'ils avaient été pris la main dans le sac. Donc, profil bas. Souvenez-vous, quand Mitterrand a fait expulser en une seule fois une bonne quarantaine de diplomates soviétiques à l'issue de l'affaire Farewell, l'URSS s'est restée silencieuse. Et il n'y a pas eu de mesure de rétorsion. Oui, oui. Alors vous pensez que si, enfin, à l'occasion de l'affaire des espions d'Ariane, les soviétiques protestent violemment et publiquement, c'est qu'ils sont innocents? Franchement, on peut se poser au moins la question. Et cette interrogation deviendra de plus en plus pertinente au fil des semaines et des mois. France Inter, Patrick Pénaud. Rendez-vous avec X. DST, police secrète, tel est le titre d'un livre récent de Roger Faligot et Pascal Krop, publié chez Flammarion. Ces deux spécialistes du renseignement évoquent l'affaire des espions d'Ariane. Ils affirment qu'à la DST, on s'interrogeait sur les revers successifs de la fusée européenne. Y avait-il eu des manœuvres de sabotage à Kourou? Et ils poursuivent. Pendant ce temps, en métropole, la brigade rouennaise a sa petite idée. Elle va ficeler un dossier qui donne à penser que ces expérimentations sont espionnées en amont. Ils mettent en cause un ingénieur français, une belle roumaine, un attaché militaire russe, le colonel Valéry Konorev. Le dossier, connu sous l'appellation des espions d'Ariane, est révélé à grand son d'olifant dans la presse, bientôt suivi de l'expulsion de diplomates soviétiques en France. Un geste qui provoque en retour le rapatriement d'agents français de Moscou. Et la colère de Jacques Chirac, qui devait, pour un voyage commercial, se rendre en URSS. À l'Élysée, le président Mitterrand se plaint à son entourage de ce que la DST est décidément trop inféodée à la CIA. Il convoque même le préfet Gérard au château pour lui demander d'éviter que son service ne dérape pour devenir une police politique. Un comble pour un président qui affiche un souverain mépris pour le métier du renseignement, tandis qu'il se délecte quotidiennement avec des ragots de basse police. Les espions, puisqu'on les présente comme tels, sont donc en prison. Il y a un juge d'instruction en cas. Oui, oui, assez rapidement, deux des inculpés, on ne dit pas encore mis en examen, sont remis en liberté. Et lesquels, là? L'épouse de Verdier et l'autre polytechnicien. Pourtant, le fait que cette jeune femme, l'épouse de Verdier, Ludmila, soit soviétique, a dû peser lourd dans le dossier de Verdier. Bien sûr, puisqu'on a été jusqu'à affirmer que ce sont les services soviétiques qui ont précipité Ludmila dans les bras de l'ingénieur. Pour l'obliger à trahir. Naturellement, l'histoire classique de la belle espionne, du naïf qui trahit par amour. Mais si on la relâche aussi vite, c'est qu'on ne croit pas réellement à sa culpabilité. Ça paraît évident. Ouais. Marquis, on pourrait également supposer que le gouvernement français a fait pression sur le juge d'instruction. Pour calmer Moscou. C'est ce que vous voulez dire? Bah oui, tout à fait. Oui. Bien, c'est vrai, on ne peut pas exclure cette hypothèse, d'autant, je vous l'ai dit, que Ludmilla est devenue une sorte de vedette dans son pays. Et dès sa libération, on vient en France la photographier, l'interviewer. Alors oui, le gouvernement a peut-être fait pression sur la justice. Mais on ne doit quand même pas avoir grand-chose à lui reprocher, puisque la jeune femme va bientôt bénéficier d'un non-lieu. Et si elle avait été un agent du KGB, il n'en aurait rien été? Évidemment. Donc l'accusation se dégonfle? Peu à peu, oui. Mais Verdier, Horry et Nina, eux, sont toujours détenus. Est-ce que Verdier, à un moment ou à un autre, a avoué? Oui. Devant les policiers de la DST, après plus de 30 heures d'interrogatoire, il craque. Et il avoue donc être un espion? C'est vrai. Mais tout de suite après, il se reprend. S'il a avoué, c'est qu'il était épuisé. Et pour échapper aux questions incessantes des policiers, il a signé les procès-verbaux qu'on lui présentait. Ouais. Vous laissez donc entendre que ses aveux lui ont été extorqués? Je le crois, oui. Il n'y a rien de pire que cette religion de l'aveu qui a conduit tant de gens en prison. À tort. Seules les preuves sont décisives. Or, justement, dans cette affaire, il n'y a pas de preuves. Rien? Pas une. On a eu beau perquisitionner chez tous ces prétendus espions, on n'a pas trouvé le commencement du début d'une preuve. Ouais. Alors, il n'y a donc que les premiers aveux de Verdier, hein, peut-être extorqués, et les lettres de dénonciation de la poétesse. Oui, ces lettres qui l'ont conduite, elle aussi, en prison. Donc, s'il n'y a pas de preuves, ces derniers détenus vont aussi recouvrer la liberté. Attendez, attendez, c'est pas aussi simple que ça. C'était quand même les espions d'Ariane, ne l'oubliez pas. Vous voulez dire qu'il fallait laisser passer un peu de temps avant de reconnaître qu'on s'était trompé? C'est à peu près ça. Il faut bien sauver la face, n'est-ce pas, comme disent les Orientaux. Et ensuite seulement, on admettra, très timidement, du bout des lèvres, qu'on s'est peut-être trompé. Et à ce moment-là, ça n'aura plus aucune importance. Et pourquoi? Parce que l'objectif recherché aurait été atteint. Attendez, soyez plus clair. Quel objectif, là? Vous voulez pas faire encore preuve d'un tout petit peu de patience? Je sais pas comment je pourrais faire autrement. Hein. Je vous remercie. Le premier vrai signe qui montre que cette affaire est biseautée, c'est une lettre qui arrive chez le juge d'instruction. Une lettre de qui? D'un patron de la DST. Et elle dit quoi, cette lettre? Deux choses essentielles. D'abord, ce haut personnage de la DST continue à affirmer que Verdier constitue une cible pour le KGB. Mais c'est pour reconnaître aussitôt qu'on ne peut rien reprocher aux polytechniciens et que sa mésaventure résulte uniquement d'une affaire de jalousie. La jalousie de la poétesse, oui. C'est ça. Ouais. Donc, dans cette lettre, ce fonctionnaire de la DST disculpe Verdier. Tout à fait. Et ensuite, alors, qu'y a-t-il d'autre dans cette lettre? Bien, le scripteur y révèle que l'expulsion des diplomates soviétiques n'avait rien à voir avec l'affaire de la découverte du pseudo-réseau des espions d'Ariane. Alors, pourquoi les a-t-on expulsés? On peut en effet se le demander. Mais vous comprendrez peut-être les raisons de ce revirement spectaculaire lorsque vous saurez qu'il intervient quelques heures avant le départ de Jacques Chirac pour Moscou. Ouais, ce type de la DST a donc écrit sur ordre. Et très opportunément, l'information a été communiquée à l'AFP. Ouais. Donc... Pour bien décrypter, il fallait mettre de l'huile dans les rapports franco-soviétiques. Oui, c'est ça. Oui. Mais est-ce que ça change quelque chose pour les inculpés? Ah ben pas tout de suite. Nina, si mes souvenirs sont bons, est libérée la première. En juin, je crois. Une mesure de libération provisoire? Oui, elle reste sous contrôle judiciaire. Mais les deux autres, Horry et Verdier, devront attendre le mois d'octobre pour enfin retrouver la liberté. C'est l'âge, hein? Non, non, l'affaire avait été montée de toutes pièces. Mais dans quel but? Encore un petit peu de patience. Oh. Voyons d'abord comment le dossier a été ficelé. Nina, la poétesse, avait, je vous ai-je dit, des relations avec un inspecteur de la DST. Et peut-être même, avez-vous suggéré, des relations très intimes. Oui, enfin, peu importe. Ce policier faisait son travail en surveillant la poétesse et son association culturelle, qui entretenait des rapports très étroits avec Bucarest. Ouais, parce que cette association pouvait éventuellement dissimuler des activités, comment dirais-je, moins culturelles. Naturellement. Et quand il a appris que Nina était non seulement l'amie de Verdier, mariée à une soviétique, mais aussi d'un type qui travaillait à la SEP, il en est fait part à ses chefs, et l'idée mirifique du réseau d'espions est née. Une construction parfaitement fictive. Bien sûr. Et chez les hommes du contre-espionnage, on a décidé de frapper un grand coup en débusquant ce nid d'espions à la solde du service de renseignement de l'armée rouge. Et pour cela, il a fallu convaincre Nina d'écrire des lettres de dénonciation? Oui, ça n'a pas dû être trop difficile. La poétesse était vraiment furieuse d'avoir été supplantée par Ludmilla. Je précise que je n'invente rien. Nina a reconnu plus tard qu'on lui avait guidé la main pour écrire ses lettres. Alors, je veux bien vous croire, mais enfin, il reste quand même le point essentiel, hein, c'est de définir l'objectif qui était poursuivi. J'y viens, enfin. Et comme dans les romans policiers, on va chercher le mobile. D'abord, la DST était foncièrement antisoviétique, ouais, ça vous savez. La lutte contre les espions rouges était sa priorité, donc tout ce qui pouvait constituer un mauvais coup contre le KGB ou le GRU était bienvenu. D'autre part, le service avait connu des déboires récents. Quoi? Rappelez-moi là. Bon, en 1986, souvenez-vous, Paris avait été secoué par une impressionnante vague d'attentats. Oui, c'est ça, hein, oui, bon. Et dans les milieux proches du pouvoir, on ne s'était pas gêné pour reprocher son inefficacité à notre service de contre-espionnage. Oui, il était incapable de prévenir les attentats. Et d'en identifier les auteurs. Bon, oui. Enfin, il pouvait y avoir un troisième mobile plus politique, celui-là, non? Le voyage de Chirac à Moscou. Bien entendu. Certains pouvaient avoir eu la tentation de saboter ce voyage en révélant cette histoire d'espionnage soviétique à la veille de son départ. Ouais, et certains, mais qui? Des adversaires politiques, ou même les Américains. Ces fameux Américains qui entretenaient d'excellents rapports avec leurs homologues de la DST. Ça me paraît quand même un peu tordu tout ça. Vous avez raison. Alors il y a une quatrième hypothèse qui n'exclut d'ailleurs pas formellement les autres, et puis je suis persuadé que c'est la bonne. Je vous écoute alors. Konorev, Valérie Konorev. Attendez, que voulez-vous dire? Pour les gens de la DST, cet attaché de l'air à l'ambassade soviétique était vraiment un espion, le résident du GRU à Paris. Il était identifié comme tel? Oui. Ouais. Et dès qu'il est arrivé à Paris en 85, la DST, consultée par le Quai d'Orsay, s'est opposée à ce que le diplomate soit accrédité. Et effectivement, pendant plusieurs mois, Konorev n'a pas joui d'un statut diplomatique. Pas d'immunité, donc. Mais les relations internationales sont ce qu'elles sont, et Moscou a fait pression sur Paris. Tant et si bien que Konorev a reçu cette accréditation si longtemps refusée. Et les hommes de la DST ne l'ont pas digéré, c'est ça? Ils se sont dit qu'à la première occasion, ils se débarrasseraient de Konorev. Voilà, à mon avis, pourquoi cette affaire des espions d'Ariane a été montée. Malheureusement, il y a eu quelques dégâts collatéraux, comme on dit aujourd'hui. Les mois de prison, des suspects, c'est quand même pas rien. Oui, et des vies qui ont été durablement gâchées. Sans arriver à la même conclusion que M. X, deux journalistes, Jean Guisnel et Bernard Violet, ont très bien démonté cette affaire des espions d'Ariane dans un livre sur les services secrets publié en 1988 à La Découverte. En 1988, alors même que les inculpés n'avaient pas encore bénéficié d'un non-lieu. Et voici ce qu'ils écrivent. Affirmations tendancieuses, amalgames et allusions retorses, les trois derniers inculpés rouennais sont en droit de s'interroger sur les méthodes du contre-espionnage français. L'ambiance d'espionnite et la logique guerrière dans laquelle vivent en permanence les fonctionnaires du renseignement peuvent-elles à elles seules expliquer une affaire comme celle des espions d'Ariane? En partie, certes, mais elle est aussi le produit d'une structure mentale particulière. La DST cherche à avoir des convictions, nous explique ce juge d'instruction parisien qui travaille régulièrement avec ses policiers. Ce qui compte pour eux, c'est la globalité, c'est-à-dire de remonter à partir de certains indices ou d'une intuition à des faits qu'ils rendent plus ou moins probables. Or, l'induction est déformante. Ils ont parfois aussi les mêmes impératifs que les journalistes et ont donc cette tendance à verser dans la facilité. Autre révélation de Guisnel et Violet, ils écrivent que plusieurs mois avant que Jacques Chirac parte en URSS, François Mitterrand avait prévenu le Premier ministre. « Vous allez voir, la DST va vous sortir une affaire. » Le titre exact du livre de Guisnel et Violet est « Services secrets, le pouvoir et les services de renseignement sous François Mitterrand ». À samedi prochain, et je vous rappelle que vous pouvez écouter ou réécouter cette émission sur notre site internet www.franceinter.com.